Bruno Mata de Poutine, Honorable Zoé Kabila, Colonel Delphin Kaimbi. Yo kanenge ferigo la zokumbe la bor. Bruno changer régime à monter manangaï. Anegu. Toi a plaisir nangé zokuma de plus en plus. Élevé n'a déclaré de mes registres en infini. Oh, Bruno Matadi. Nenette Samouzo, maman à Willis. On réanimait déjà système amour en Angaï. Sentiment en Angaï qui change ta. Et comme il est à liquide, ils ont sopan à yango mon po. On zambé à qui l'a yon a bâton magique. Et enceinte moi n'a mani. On a pu pisser na ouya pisser kana Moïse. Ils ont un pouvoir à copier mes sabili qui yo. Pati Bokanga. Ah ouais, si déjà bakatinga kamwa bolingango. Pourquoi monter ce qui bakanga na souci à talamu? Pour la komikuluna na bundeli love na yoé. Pour immigrer sentiment lokola te laisser sa papier. Madoboula. Ah amou. Jerry Kole. Pati Malobo. Pour réanimer déjà système amour en angai. Sentiment en angai. Il change ta. Et comme il est à liquide, ils ont sopana yon moko. On s'en à que la yon a bâton magique. Trois fois pour pisana ou ya pisakana Moïse. Ils ont la pouvoir à copier mes samiri qui yo. Pie kouka ou ça. Didier Kitenda, Doudou Mundabi. Ah ouais, si déjà bakatinga kamwa bolingango. Pouka monte so ki bakanginga na souci à talamu. Fabien Samus. Pouna komi kuluna na bundeli lof na yoi. Oui, migré sentiment l'encola clandestin sa papier. Michaud Kabasele. Lelo na gozanga te. Na goya tobi na danse bo salangano. Danse à bangwandi. Plus rapide que la main dans la bouche. Malembe mwana mama. Malembe Bruno Matadi. Écoutez les sala oyo ya ba marié. Na salle de fête Bruno. C'est que la mozina nzungulu tu kaka yeba kayango. Yaliba ya toi libende. Modogo botekola. Malembe mwana mama. Malembe Bruno Matadi. Écoutez les ala oyo ya ba marié. Na salle de fête Bruno. C'est que la mozina nzungulu tu kaka yeba kayango. Yaliba ya toi libende. Roulez en ce moko. Obalola basos. Balola. Pichu Masinda. Encadreur des jeunes. Ah chérie, tout ça déjà n'a jardé d'Eden. La bombe mie, vous osez la ligne potolia mouma. Il est à voler, moi chérie, ton vitamine. Oh yelengi, sentiment n'a yelengi. Oh yelengi, l'okola tous à l'yawa, tous à batoua kala. L'okola tous à l'yawa, tous à batoua kala. Ima qui côté le yébolingwe. Tété climatiseur, grande dame. Malé, malé, malé, ma. Oui, ça, là, là, oh. Boya, kota, là. Les gars, mon colo, basso, fuka, misa, yena, mouana. Sangono, et salina, passe, hein. Ma, Monique, na, Luanda. Lokola, tous, alia, wa, tous, en bas, toi, kala. Chico, sengo, chima. Iba, kikote, le, ye, bolingwe. Wanya, fataki. Destino, bilele. Botika, ye, apima. Asa, vraiment, fatigué. Asali pe mo salate, kas ne vita ki anambo ka tandrese na mo akares. Gislen Senga, kamo kibokango, asali kaka desego. Ale mi makasi, kole kamo to sali 10 kilometri a pie. Kosa gana tena bolingo yo bino, na bunda pe la swana na bolingo na yo. Na ganya babata ya bambanda na ngai. Na motema na yo na fungoli kombe elengi. Na banki aloke tomotwe. Elengi yo na zoyo kananu na yo kate. Misho koto fiamba. Balole la mama kusa bilengi. Nene Samuzu. Ben Mungia. Ufaboli mwana biso. Ete bateo. Desire Toti. Fata Kimbala. Kokima na yo mbangu te Bruno Matadi. Fernande Mosiango. Salalo kola putine na risi. Yvette Mwakabeya. Florian Yalisa. Kobele la te pomo ibia ya kokota e. Akuta bilengyo yona sentima. Ikwa Jacques. Amina Verchache. Damida Toko. Pamela Biongo, Maleme mwana mama, Papi Chonyang, Maleme Bruno Matadie, Kija Bro, Ekoteleza na oyo ya mama, Na salde fes Bruno, Sekela mozina zungulu tukaka eba kayambo, Yaliba ya kwa libende, Role za semo koko balola basos, balola, Mbuta mwindi bakoko ya lunda, Maleme mwana mama, Maleme Bruno Matadie, Ekoteleza na oyo ya mama, Sami Matobo Segela mozindo nzungulu tukaka eba kayambo Yaliba ya kwa libende Role za semo koko balola basos Balola Maître Lemabe Tubingoi Malembe mwana mama Malembe papi choki ndudi Malembe nelibo mei Ekotele zala uyu ya bama ye Benediction na matadi Paolo de Sousa blanile wechi Gilwembo ya Metiol Claude Louba Chikoma Bele Mameo Corneille Siti Lokumu ya Bana Limba Ben Mbayabo Papi Kaba Kirikou Papi Masitol Ah chéri toza déjà nan jardin dede Na bongwa miye bozo zela nini potol ya mbuma Bile ya bolingwa chéri tona vitamine Bode Kimani Oye lengi Santi mananga ye lengi Oye lengi Lokola toza liawa toza batwa kala Jimmy Bofosa Sant'Angelo, Francis Lutumba.